Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bienvenue, si vous nous rejoignez sur France Culture, bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 12 novembre et notre jour est possible, c'est votre magazine culturel quotidien avec aujourd'hui au programme, en attendant l'actualité, l'information, on va prendre le recul pour parler de culture et de littérature. Dans un instant donc, notre tête chercheuse Liliane Kerjean, spécialiste de la littérature américaine qui continue à nous parler d'Arthur Miller. Aujourd'hui, 4e épisode, nous parlerons de l'intimité de l'auteur et de ses livres en prise directe avec sa vie intime. En deuxième partie, je reçois avec un énorme plaisir, c'est toujours avec un énorme plaisir qu'on lit et qu'on reçoit Mélisse de Kerangal. Et aujourd'hui, je la reçois à l'occasion d'un texte, un court texte réédité par Vertical autour des réfugiés et qui a pour titre « À ce stade de la nuit ». Et si à ce stade de la nuit, vous êtes toujours à l'écoute de France Culture, merci beaucoup. Arthur Miller. I wrote Death of Salesman at the beginning of the greatest boom, probably in world history. I knew the boom was going on, but I was not alone in thinking in 48 when I was writing it. The reality was depression. The reality was the whole thing coming down in a heap of wood and cinders. Arthur Miller, un Américain sur le qui-vive, une série avec l'universitaire Liliane Kerjean, spécialiste de littérature de théâtre américain. Vous avez publié plusieurs livres sur les grands auteurs américains du XXe siècle, dont Arthur Miller. Et à l'occasion du centenaire de sa naissance et du 10e anniversaire de sa disparition, toute cette semaine, on parle de l'œuvre d'Arthur Miller et aujourd'hui, 4e épisode, dans l'intimité de l'auteur. Et aujourd'hui, on va parler d'Arthur Miller lui-même. Bonjour Liliane Kerjean. Bonjour. Est-ce qu'Arthur Miller était intéressé par les autres arts et artistes de son époque? Alors, Arthur Miller va au théâtre essentiellement. Autrement, il va au concert, assez peu dans les musées. Parce que rapidement, il veut d'une part se faire un nom, donc il travaille beaucoup et il se concentre sur un milieu professionnel et il va essayer d'aller à Hollywood pour élargir sa palette. Donc non seulement il est un homme très concentré qui veut faire passer un message et faire réfléchir une société sur le bien et le mal et finalement ce qu'est un choix de vie, si bien qu'il écrit peu sur les arts, mais sur l'influence de l'art. Et par exemple, il va au ministère de la Culture, ou l'équivalent du ministère de la Culture, puisqu'il n'y a pas ça aux États-Unis, pour essayer de secouer les décideurs en disant que ce budget est très important et il y est allé quelques semaines avant de mourir. Donc il continue à harceler les autorités en disant la culture, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il appelait justement par la culture ? Alors, il appelait la culture, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit de tout un chacun sur les choix moraux, sur le vivre en société et sur la façon d'être honnête avec soi-même, donc l'honnêteté et l'honneur. Il faisait donc la différence avec le spectacle et la société de spectacle, mais est-ce qu'il était suffisamment attiré par le cinéma pour accepter de faire ce voyage à Hollywood? Alors, il a été à une première reprise à Hollywood, il a fait un aller-retour, ça n'a rien donné. Donc, il tente à nouveau sa chance en 51, mais là, c'est déjà un grand nom. Il a eu le prix Pulitzer, il a eu le prix des critiques de New York, ses pièces font salle comble. Et il se demande comment il pourrait entrer dans le monde du cinéma pour élargir ses antennes. Comme le font ses contemporains, quand on est un grand écrivain, un grand dramaturge, on finit à Hollywood. On finit à Hollywood. Hollywood. Là, je veux dire, les grands noms comme Faulkner, comme Fitzgerald ont été scénaristes. Tennessee Williams ont travaillé à Hollywood et certains ont vendu leurs droits pour faire des adaptations. Donc, il n'était pas contre le principe, donc, Arthur Miller. Ah, il n'est pas du tout contre le principe. D'ailleurs, il y a des films remarquables qui ont été faits. Un film sur Vue du pont avec Ralph Vallon, c'est merveilleux. Et puis, il a de très grands interprètes à chaque fois. Par exemple, les Misfits, Clark Gable, Montgomery Clift, Marilyn Monroe. Non, il a les meilleurs metteurs en scène quand il est adapté au cinéma et il a de très grandes stars. Donc, il est... Mais est-ce qu'il est aussi actif? Parce qu'au théâtre, il dirige tout. Il écrit ses pièces et quand c'est pas lui qui les dirige, il est suffisamment connu et reconnu pour avoir une certaine autorité. Ce qui n'est pas le cas, je suppose, Liliane Kerjean à Hollywood. Alors, ça n'est pas le cas à Hollywood, donc il arrive à pas feutrer et il a pris langue avec Elia Kazan. Et Elia Kazan lui fait faire le tour des studios et lui présente incidemment, tout à fait incidemment, une jeune starlette, Marilyn Monroe. C'est pas un choix anodin. Elia Kazan, c'est un homme de théâtre qui est passé par New York. Ils se connaissaient avant ? Ils se connaissaient avant, ils étaient voisins dans le Connecticut. Et donc, ils ont été en très grande intelligence. Et donc, c'est le procès du macartisme les a un peu mis en froid. Et Kazan a été très utile pour Tennessee Williams, très utile pour Arthur Miller. C'est quelqu'un de remarquable qui a fait émerger aussi le théâtre américain par ses mises en scène. Donc, il aperçoit donc Marilyn. Et c'est tout. Mais Marilyn est très intéressée par Miller. Parce que c'est quelqu'un de très différent du monde d'Hollywood. C'est quelqu'un de très britannique, de très grand, de très mince, d'assez élégant. Et au fond, elle rêve de quitter Hollywood. Et c'est à ce moment-là qu'elle va créer sa propre maison de production. À New York. Et oui. Et donc, elle se dit, je vais aller sur la côte Est. Et elle se dit, je vais tâcher de retrouver, de revoir Miller. Et donc, elle y parvient. Et finalement, il se marie en 56 et il divorce en 1960. Donc, il a quitté sa première femme qui travaillait dans une maison d'édition. Il rencontre Marilyn. Il hésite beaucoup. Et du reste, dans ses pièces, l'homme infidèle revient de manière quand même importante. Hein. Et comment l'expliquer ? Et il divorce après les Misfits en 1960 et elle meurt en 1962. Et là, il va écrire un très bel article avec respect pour son agonie et avec beaucoup d'amour. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart. Donc lui, la créature des foules, c'est pas ça, Marilyn. Je pense que au fond, il n'a pas vu malice quand elle s'est mise entre les mains d'un psychanalyste. Elle y allait 4 ou 5 fois par semaine et elle s'est surtout mise sous la coupe de Lee Strasberg, le patron de l'Actor Studio, qui en fait l'a prise sous son aile en lui faisant espérer qu'il allait l'entraîner pour qu'elle joue des rôles de grande tragédie classique. Et c'était son rêve à Marilyn. Elle était autodidacte, elle travaillait, elle voulait reprendre des études et elle voulait jouer les grands classiques. Si bien qu'elle a accepté, et lui aussi a accepté, que Strasberg la prenne en main et finalement elle a périclité et elle s'ennuyait énormément dans la propriété à Roxbury. So I'm through with love. Parce que Arthur Miller ne faisait que travailler. Il travaille tout le temps. Et quand il a des loisirs, il fait de l'ébénisterie, il fait des meubles et il pêche. Éventuellement, il tire sur un... Parce que son bureau est une petite dépendance sans téléphone, avec un divan et une grande cheminée. Et il travaille tout le temps. Donc c'est pour ça que son troisième mariage avec la photographe est une réussite et un équilibre de 40 ans, parce qu'elle aussi c'est une intellectuelle, elle aussi elle travaille, et donc elle comprend les exigences de Mella. Ils sont très complémentaires, ils voyagent ensemble, ils sont deux intellectuels. On arrive au film de John Huston, The Misfits. Est-ce qu'on peut dire que c'est la seule œuvre intimiste d'Arthur Miller, parce que là, il va parler de quelque chose qui concerne son couple, de la cassure d'une relation. Alors, évidemment, il parle de son couple dans... et Marilyn vit assez mal cet épisode parce que lui, il a fait ça sur mesure pour elle. Pour lui donner un grand rôle, pour lui donner des partenaires extrêmement valeureux. Et en même temps, c'est l'histoire d'une rupture. C'est l'histoire d'une rupture et en même temps, elle n'est pas satisfaite par le portrait qu'on fait de cette jeune femme. Si bien qu'évidemment, la situation se tend et donc ce tournage des Misfits se termine, un, par un divorce, mais aussi par la mort d'un comédien. Enfin, tout va mal. Mais c'était des épisodes très durs. Dans le Nevada, il faisait une chaleur terrible, il y avait une tension. Marilyn arrive toujours en retard, il y a des délais. Enfin, c'est très, très difficile, le tournage des Misfits. Liliane Kerjean, là, on a bien précisé que Arthur Miller naît en 1915, donc il y a 100 ans, et il est mort il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'il a traversé le siècle. Il a vécu 90 ans, il était en forme, j'allais dire, jusqu'au bout de sa vie, toujours inspiré. C'est quoi le secret ou les secrets de sa longévité ? Probablement une bonne constitution, mais aussi le fait de vivre au plein air. C'est un gentleman farmer jusqu'à la fin. Et puis aussi, il a une discipline de vie extraordinaire. Il ne sort pas. Je veux dire, c'est tout sauf un fêtard, c'est tout sauf un mondain. Et donc, c'est pour ça qu'il est devenu à la fois une référence et aussi un homme très polyvalent, puisqu'il est à la fois journaliste, essayiste... écrivain de théâtre, il écrit des nouvelles dont le dernier recueil sera publié à titre posthume sous le titre Présence, ce qui est un bel hommage. Donc c'est quelqu'un de très complet et c'est assez rare finalement que quelqu'un puisse à la fois aller sur les estrades électorales, dans les conventions démocrates, parler aux étudiants de Yale et puis aussi aller faire une mise en scène à Pékin, être porte ouverte avec Signoret et Montand, converser avec Sartre, c'est quand même quelqu'un de rare. Demain, justement, pour terminer cette série consacrée à Arthur Miller, on verra comment ce moderne est devenu classique. Merci Liliane Kerjean, à demain. À demain. Un autre jour est possible. Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité aujourd'hui, Mélisse de Kerangal. Bonjour. Bonjour. Comment réagit-on quand on entend à la radio une nouvelle aussi dramatique que le naufrage d'une embarcation de fortune au large de l'île de Lampedusa ? À quoi pense-t-on ? Quelle image notre cerveau convoque-t-il quand ce drame est annoncé, comme ça, une nuit, à la radio? Quelle association d'idées, d'événements, d'images? Quelle référence avons-nous pour mesurer l'étendue du désastre? Et vous le faites, Maïlis de Kerangal, dans ce texte très court, très concis, très fort, édité par Vertical, à ce stade de la nuit. À ce stade de la nuit, la radio délaisse sa bande sonore et les voix se sont tues. Je suis de retour dans la cuisine où je tâtonne, en manque de données. Le flou du nombre des victimes est une violence révoltante quand le désir de précision, à l'inverse, signe une éthique de l'attention. L'approximation fait voir la paresse, désigne vaguement l'innombrable, la multitude, la foule, les pauvres, tout ce qui grouille et qui a faim. Tout ce qui fuit sa terre. Je module le bouton sur la radio afin de glisser d'une station à une autre et d'en apprendre davantage. Dans ce livre, j'ai essayé de capter une onde de choc, c'est-à-dire précisément, ce livre, il se présente comme, sur sa longueur, comme le traçage d'une onde, des déplacements d'idées, les digressions, les analogies. Et cette onde, elle inscrit un récit qui est celui de ce livre. Pour moi, je crois que j'ai été frappée par ce nom propre, parce qu'il y a toujours une force des noms propres, en fait. Hein. Lampedusa. Lampedusa. Et en fait, c'est ce nom qui, immédiatement, s'est durci, s'est cristallisé comme un cadavre, hein, plongé dans la mer. Et à partir de ce nom, il y a toute une espèce de méditation qui s'élabore et qui convoque d'autres noms propres. Et en fait, c'est un livre qui essaye de décrire un nom pour essayer de toucher ce qu'il y a au cœur de ce nom, c'est-à-dire une tragédie contemporaine. Mais oui, mais tout se fait avec cette association de plusieurs références culturelles. Oui, et historique d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est assez étrange cette idée, par exemple, que la première image qui surgit dans le ressac de cette nouvelle et de cette espèce de non cristallisé Lampedusa, c'est un visage de cinéma. C'est le visage de Burt Lancaster dans Le Guépard. Elle y pense, la narratrice y pense, finalement, est aussi emblématique de la figure d'une forme de naufrage, en tout cas, qui porte la mélancolie d'un monde qui s'engloutit et qui interroge évidemment le changement, tout ce qui va changer dans des sociétés très pétrifiées, très codifiées. À ce film-là répond un autre film dont Burt Lancaster est également le héros, qui est un film merveilleux, ouais, on est d'accord. Qui est le The Swimmer de Frank Perry, où pour le coup Burt Lancaster est là un homme nu qui migre de piscine en piscine dans une société totalement égoïste, totalement creuse. Enfin, il va de cocktail party en fête. Enfin, et tout semble totalement superficiel à cet homme qui, alors pour le coup, est en proie à un malaise de plus en plus grandissant. Et en fait, je me disais finalement, Lampedusa, voilà, il y a la figure de cet acteur qui surgit, ces images de cinéma qui construisent des images de princes et des images de migrants. Et puis, en fait, le cinéma convoque immédiatement d'autres îles qui elles-mêmes viennent toucher la mémoire. Et on est comme ça embarqué dans une espèce de sinuosité, finalement, de la pensée, de ce chemin, avec une netteté de cap qui est que malgré cette espèce de parcours digressif, il y a un cap net qui est aller toucher ce réel qui se produit aujourd'hui et depuis maintenant 25 ans au large de Lampedusa, c'est-à-dire ces embarcations qui sombrent et ces noyés qui chaque jour viennent s'échouer sur les rivages de l'île. Revoir Le Guépard à partir de cette actualité de Lampedusa, ouais. Parler de la vie de l'auteur du roman, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, remonter la filiation de cet auteur, c'est aussi trouver un peu plus que des cousinages, un peu plus que des rapprochements, quelque chose qui peut-être ressemblerait à une même tragédie, une tragédie méditerranéenne partagée. Effectivement, c'est plus que des cousinages. C'est comme si l'espace ici, l'espace méditerranéen, ces îles éparses, finalement, disséminaient quelque chose de violent. Il y a une violence, d'ailleurs, il y a une violence dans le film de Visconti que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'avais vu quelque chose d'extrêmement voluptueux, d'un peu mélancolique, et d'un film très historique. En fait, je l'ai trouvé très violent quand je l'ai revu. En fait, j'ai trouvé que c'était un film avec une forme de sécheresse. Hein. C'est vraiment l'idée du retournement de la fin. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une histoire méditerranéenne aussi qui est le cœur de cette histoire, finalement, des migrations. Et ce livre-là, il regarde aussi vers cet espace comme étant aussi le creuset de toutes les migrations qui ont non seulement inspiré le cinéma, mais qui inspirent la littérature depuis qu'elle existe. On pense évidemment à la migration d'Ulysse, on pense à l'Énéide de Virgile, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cet espace-là, c'est un espace qui est un espace de route, de trajectoire, de ligne, et que finalement la Méditerranée, elle nous parle aussi de ça, de tous ces gens qui transitent d'un bord à l'autre, de tous ces gens qui fuient, et elle nous parle aussi, je trouve, et de l'hospitalité. Enfin, je veux dire, il y a le revers de ça, il y a cette histoire d'hospitalité qui a été le geste des habitants de Lampedusa quand même. C'est un livre très personnel, Mélisse de Carangal. C'est quoi l'histoire de ce texte à ce stade de la nuit? Alors, c'est un livre très personnel. C'est-à-dire que l'histoire de ce texte, c'est qu'en fait, j'étais invitée par la FACIM, hein, c'est la Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne, à des journées littéraires qui avaient lieu à Chamonix, plutôt même dans la mer de glace, hein, au-dessus de Chamonix. Et à cette invitation, ça s'accordait l'écriture d'un texte. En fait, si on venait à ces journées, on s'engageait également à écrire ce texte. Et ce texte devait prendre place dans une collection qui s'appelait Paysages écrits. Et immédiatement, si vous voulez, il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est quand un geste extérieur que vous recevez comme une demande, comme une sollicitation, finalement vient toucher, creuser pile à un endroit extrêmement personnel. Et du coup, le texte peut s'écrire. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un geste mécanique. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire, ah là là. Et en fait, pour moi, ça a été assez merveilleux parce que je réfléchissais pas mal depuis un certain nombre de... Enfin, je réfléchissais. C'est plutôt que cette histoire de paysage était très présente dans mes livres et la question des espaces physiques, la manière dont la littérature pouvait s'en saisir, pouvait les animer, etc. C'était quand même une grande question pour moi. Et là, j'ai essayé de considérer les noms dans les paysages et les paysages qui sont diffusés par les noms. Et du coup, je me suis dit comment je vais parler un peu de cette double inscription, voilà, des noms et des paysages, voilà, cette espèce de double mouvement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était le moment de parler de Lampedusa, c'est-à-dire de coupler à cette espèce de texte plus littéraire qui fonctionne un peu comme un art poétique, un geste politique, et vraiment de prendre comme exemple ce nom de Lampedusa et d'en donner une expérience dans le langage. Ça m'a semblé être, en fait, en plus ce que politiquement je pouvais faire moi, par exemple. Vous voyez, plutôt qu'autre chose, je me suis dit, voilà, toi, tu proposes cette expérience, essaye de travailler cette expérience dans le langage, l'expérience d'une honte politique dans le langage, parce que Lampedusa, c'est aussi notre espace politique. Enfin, je veux dire, c'est chez nous, hein, je veux dire, c'est pas loin. Et on continue votre expérience, Mélisse de Carangal, en mixant un extrait de votre texte à ce stade de la nuit, édité par Vertical, avec justement un extrait du film de Lino Visconti, Le Guépard. Buonasera, principe. Buonasera, Angelica. Angelica ti voleva salutare. Perché te ne stai qui solo? Ma che cosa guardi? Corteggi la morte? Angelica. Sei proprio uno splendore. Alors ce fut le noir et j'ai regardé de nouveau le guépard. J'ai reconnu les lieux. J'ai revu la Sicile immobile, les palais, les salons immenses et les enfilades de chambres vides, les combles devenus trop vastes, les terrasses et les jardins, la campagne brûlée. J'ai retrouvé le baroque délabré, les façades qui pèlent, les murs qui tombent en lambeaux comme si le temps de la mue était venu et que la peau d'avant chutait au sol afin de faire voir la nouvelle. J'ai scruté la décrépitude qui signe la lente dépose du temps, tout autant que le manque d'argent, le manque de force. J'ai plissé les yeux sur les champs en pente douce, leur ondulation infinie, sur les oliviers verts de gris et les chemins de terre où cahotent les voitures à cheval, sur l'aridité et la poussière, sur les têtes des femmes doucement secouées sous les ombrelles noires, accablées de chaleur, regards perdus dans le paysage, sur cet effritement de tout. J'ai entendu de nouveau les aboiements du chien préféré et le rire d'Angelica lors du dîner à la table du prince, ce rire de gorge excessif et sexuel, d'une durée obscène, ce rire qui pulvérisait la bienséance d'une société pétrifiée, cassait l'ordre social comme un son trop aigu brise un verre de cristal, un rire en forme d'exécution. Et aussi, j'ai revu le bal, la grande scène du bal chez les Pantéléon. Et ce soir-là, je l'ai vue différente, à la fois plus radicale et plus cruelle. D'une forme tendue, là où je n'avais vu auparavant qu'une méditation sur la nostalgie, un travelling d'une longueur fastueuse et dépressive. J'y ai découvert sa violence paradoxale, convertir une ouverture en fermeture, un avènement en chute, réformer un appel d'air en asphyxie générale. Ou comment une scène d'intronisation, celle d'Angelica dans la haute société palermitaine. Elle est la fille si belle de Don Calogero, le paysan parvenu, et tout juste fiancée à Tancredi, le neveu chéri du prince. Elle est ce corps qui illumine et contamine l'assemblée, ce corps qui prend le pouvoir, et enfin, elle est l'étrangère. Comment cette scène se métamorphose inéluctablement en scène de crépuscule, en description quasi anatomique d'un monde qui sombre. What a da-dee-dee-dum-da-dum. What a da-dee-da-da-dum. What a da-dee. Et on termine par le questionnaire avec ces 15 questions récurrentes. Vous en choisissez 3, Mélisse de Carangal. Et normalement, on devrait avoir votre humeur du jour. Qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé ? L'émotion de mon premier baiser. Est-ce que vous dansez ? Oui, oui, je danse. Je me dis néanmoins que je ne danse pas aussi souvent que j'aimerais danser. En tout cas, peut-être que je ne danse pas assez. En tout cas, je pense que la danse, peut-être même avant la littérature et avant toute forme d'art, comme art de l'incarnation, art du corps, art du mouvement, est pour moi ce qui est le plus désirable. Et par exemple, je pense souvent à l'idée de danse dans l'écriture, à l'idée de la chorégraphie que peut susciter un texte, enfin voilà, je me dis, est-ce que je danse peut-être qu'écrivant j'essaye de danser, voilà. Et vous dansez sur quoi, Mélisse de Carangal? Plutôt de la pop. Plutôt de la pop. Et est-ce que vous chantez? Oui, oui, ouais, je chante, ouais. Et je chante un peu de karaoké de temps en temps, et sinon je chante un peu tout le temps, ouais, je chante tout le temps, j'aime beaucoup chanter. Merci d'être passé ce matin, Mélisse de Carangal. C'est la fin de l'émission. Et c'est vous qui nous faites le générique. C'est une habitude aussi. Alors, c'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Tous les jours de la semaine, de 6h à 6h30. Et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Taoufik Hakem, préparée avec Pascaline Bonnet et Vincent Lecomte, prise de son Claude Niort et réalisation Thomas Duterre. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Mélisse de Carangal. Bonne journée tout le monde. On se retrouve demain à la même heure.